Oh, ça fait 2-3 jours qu'on planifie ce segment d'émission-là. Alors, on va vous donner fin. Ça va être le fun en début de semaine, comme ça. Alors, pourquoi? C'est une émission un peu spéciale qu'on pourrait appeler « Pimp ton BS » ou « Pimp le frigidaire du BS » ou « Les chefs BS » ou je sais pas lequel nom qu'on pourrait trouver, mais c'est une émission spéciale où on va aider les BS à mieux manger. Parce que, écoutez bien, la conférence de presse de la semaine dernière, vous l'avez peut-être pas vu passer. Et là, on va les prendre au sérieux, puis on va être gentils à matin. Là. Vous allez voir, on va recevoir une tonne de courriels de BS. Je vais être leur nouvelle idole, le héros des BS à Québec. Alors que, dans le passé, j'étais un petit peu contesté, pas par tous, mais un peu. Là, à matin, ils vont m'aimer. Alors, les BS ont demandé une augmentation de leur chèque pour les personnes seules. Ils gagnent 600 par mois actuellement. Ils veulent plus de 900. Parce qu'ils disent, je l'ai devant moi là, qu'ils en sont rendus à se nourrir avec de la bouffe pour chat. Les BS, c'est sérieux là. Il y a une conférence de presse. Il y a des organismes payés par vous et moi communautaires qui ont dit au Québec en 2013, les assistés sociaux sont rendus à manger de la bouffe de chat. Donc on veut pas 600 par mois. On veut 900. Permettez-moi d'être différent d'eux et vous offrir d'autres solutions ce matin. Parce que moi, je m'entends pas. Je m'entends que les BSC, tu peux être poqué dans la vie, t'as une bad luck, ça y est, là, je suis ben, il n'y a aucune ironie, là. Mais les gens qui vous défendent ont toujours le même discours, je suis plus capable. Plus capable! Toujours le même. Alors que ce soit parce que vous mangez de la bouffe de chat, que vous avez de la misère à vous trouver un emploi, tu sais, des fois c'est pas facile à vous acheter des vêtements, eux ils ont une solution. C'est la même chanson, je peux vous la chanter là. On veut de l'argent, augmenter notre chèque. Prenez du cash dans les poches des travailleurs. Du cash dans les poches des travailleurs, augmenter notre chèque, on veut pas travailler, on veut de l'argent à la tienne, prends la tienne. Déshabille-lui puis habille-lui. Prends-en dans sa poche, transfère-le dans la mienne. Je veux du cash, un plus gros chèque, un plus gros chèque. Plus capable! Je suis écœuré! En passant, vous chantez, grosse chorale, bien organisée, dans la rue, sortez un disque, tant qu'à y être, à l'enfer, de l'argent, maudite merde! C'est toujours pareil, je caricature, mais tu me suis, Catherine? Très bien, très, très on veut bien. Du cash, on veut du cash, on veut du cash, on veut du cash. Moi, je leur offre des jobs. Travaillez donc. Travaillez donc. Essayez donc de vous sortir de là. Oui, je vous en souhaite un gros chèque. Pas un chèque de BS, je vous souhaite un chèque de paye. Alors, tu vois, c'est juste ça, la distinction fondamentale entre ces groupes-là, que j'aime pas, puis moi. Mais on veut tous vous aider. Ça fait pitié, c'est rendu que vous nourrissez de la bouffe de chat. Alors, à matin, on va vous aider. Absolument. Avec notre opération, pimp ton frigidaire de BS. Parce que, on va vous prendre au mot, là. Vous allez à l'épicerie, et vous achetez une canne de bouffe de chat, qui coûte combien? Coûte combien, ça, de la bouffe de chat? Puis là, vous mangez ça, là. Vous ouvrez ça, c'est pas des jokes, ces gens-là exagèrent pas puis ils mentent pas, c'est sûrement la réalité. Puis là, vous bouffez ça. Avez-vous pensé vous acheter autre chose que de la bouffe de chat, pas cher? Ça se peut-tu que ça existe? Écoutez bien ça, ça va être spectaculaire dans les prochaines minutes. Puis savez-vous quoi? Ça sera pas juste pour les BS, parce que je respecte énormément les cols rouges qui se lèvent le matin et qui travaillent fort, mais une méchante gang à cause du gouvernement qui tire le yard par la queue, parce que l'économie est pas facile. Fait qu'on va se donner des trucs, là, avant de manger de la bouffe de chat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On commence avec l'auteur d'un livre que je vous conseille. Spectaculaire. Comment se nourrir pendant 3 ans au magasin à 1 piastre? Mon prochain invité a bouffé du Dollarama pendant 3 ans. Jonathan Lemieux, bon matin! Bon matin! Ben, ça va? Ça va très très bien, vous deux? Oui, pourquoi vous avez fait ça d'abord? C'est quoi le but de l'expérience? Ben, en fait, c'est que quand je suis retourné aux études, à un moment donné, je me suis rendu compte que aller à l'épicerie, pour moi, c'était vraiment rendu un luxe, que j'avais pas l'argent d'aller à l'épicerie. Puis en magasinant des trucs là, pour mon cours d'art au Dollarama, je me suis comme rendu compte... Quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais oublié, qu'il y a une section de bouffe au Dollarama. Oui. Et puis, parce que je voulais pas manger leur craft dinner tous les jours, j'ai commencé à penser à toutes les recettes que je faisais avec ma mère puis ma grand-mère, puis j'ai commencé à compiler comme des recettes pour essayer de varier mon alimentation. Puis après 3 ans, mais je me suis rendu compte que j'avais au-dessus de 100 recettes, puis... J'ai décidé de faire un livre et puis voilà. C'est la semaine dernière. C'est toutes des recettes basées. Tous les ingrédients ont été achetés au Dollarama, donc à 1 piastre ou en bas d'une piastre. Ouais. Ça donne quoi? Donnez-moi un exemple, voir d'une des recettes qu'il y a là-dedans, là. Bon, par exemple, j'ai une recette de potage aux betteraves, mais j'ai aussi une recette de potage aux cornichons que tout le monde trouve dégueulasse quand je leur dis potage aux cornichons, mais qui est très, très bonne. Okay. Sinon, j'ai une recette de falafel non frit, j'ai une recette de paella. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une paella? Il y a des fruits de mer dans une paella, non? Oui, mais ils ont des fruits de mer en conserve au Dollarama. Ils ont des huîtres, ils ont des moules, ils ont des crevettes des fois. C'est facile de faire une version un peu plus pauvre d'une paella. Ça vous donnait quoi, Jonathan, comme budget à la fin de la semaine? Parce que là, moi, j'essaie d'aider le plus sérieusement du monde des gens qui en sont rendus à se nourrir de bouffe de chat. À mon avis, il y a un manque de connaissances et d'éducation. Je ris pas d'eux autres. Mais eux, leur solution, c'est un plus gros chèque. Moi, je pense qu'il faut juste les aider. Ça vous coûtait combien par semaine, vous? Moi, j'avais entre 20 et 25 $ de budget par semaine seulement. Ça veut dire qu'à 100 piastres par mois, vous réussissez à manger. Ouais, j'avais entre 75 puis 100 par mois. Puis c'est juste que je pense que, comme vous l'avez mentionné, il y a comme un manque d'éducation dans le sens que moi, j'ai été capable de réussir ça parce que j'avais une grande connaissance en cuisine puis j'étais très bon avec un budget, mais ça prend énormément de travail pour survivre avec peu d'argent. Parce qu'une canne de bouffe de chat, ça coûte à peu près 80 cents. Là. Et ben oui, Allez-y. Ça revient au même que si t'achètes des pois chiches, là. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. C'est la bouffe de chat, c'est pas une excuse. T'es rendu à manger ça, ça fait pitié. Là, je ris pas de ce monde-là. Pas une minute. Mais il y a tellement d'autres solutions avant d'en être rendu là. Comme par exemple, n'importe quelle canne de conserve chez Dollarama, pardon, c'est une pièce ou moins. Votre santé, Jonathan, ça a donné quoi? Parce que il y a des gens qui écoutent qui doivent se dire, hey, c'est bien beau son affaire, lui-là, mais il doit être maigre, tout le temps malade, tout petit, manque de vitamines. Alors, comment ça va, votre bilan de santé, sans rentrer dans les détails personnels, là? Ça va comment? Ben, ça va bien, mais ça fait 3 ans que j'ai fini ça. J'ai pas été malade pendant les 3 ans, puis j'ai jamais été quelqu'un de très mince. Donc, je veux dire, j'ai peut-être perdu 10 livres, 10, 15 livres pendant l'école, stress, etc. Mais je n'ai jamais été rachitique ou rien. Donc, mais vous avez pas de carence, vous avez pas perdu vos dents, vous avez pas, là, vous êtes un être normal, bien en santé. Oui, puis tu sais, il y a des nutritionnistes que j'ai vus, j'ai lu ça récemment, qui étaient comme, ah, j'aurais aimé ça voir toutes ces prises de sang, blablabla, mais je vais être franc avec toi, à l'époque, je m'en foutais, là, je veux dire, pour moi, c'était, est-ce que je suis capable de survivre ou non, puis finalement, ça a été oui, j'étais capable de survivre, fait que peut-être que mon niveau de cholestérol était effrayant, puis mon niveau de sodium, mais ça, regarde, je ne saurais jamais, là. Bon, alors là, s'il y a des BS qui se plaignent un matin et qui me trouvent dur, tout ça, je pense que je vais en offrir en cadeau. Ça s'appelle « Comment se nourrir pendant 3 ans au magasin à 1 $ ». C'est disponible un peu partout. Jonathan Lemieux, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon matin. Bye-bye. Bonne journée. Bon, gentil, là. Pendant 3 ans, il a mangé du Dollarama. Allez, écoutez bien en plus. Tu sais, quand les BS nous disent « Oh, la bouffe de chat, on est rendu là, augmenter notre chèque. » Lui, il n'a pas été une fois au comptoir alimentaire, en plus. Non. Juste avec 100 piastres, il s'est nourri au Dollarama pendant 3 ans, 100 piastres par mois. Fait que quand tu gagnes 600 par mois sur le BS, là, si tu t'en vas te nourrir un peu chez Moisson Québec au travers de ça ou ailleurs d'une soupe populaire, il y en a à tonne à Québec. Puis, regarde, on donne, là. Nous, au 93, on fait notre part pour ça. 50 000 l'an passé. Grâce à ça, ça n'a pas sorti de mes poches, mais c'est une opération maison, l'idée de José, la guignolée, qu'on fait à chaque année, donc on est très fiers. Donc on en donne, puis ils ramassent beaucoup. Alors, ajoute une soupe populaire de temps en temps, plus un petit tour au Dollarama, ou même ailleurs aussi, là. Mm-hmm. T'as aucune raison d'avoir de la bouffe de chat dans ton frigo. D'ailleurs, si t'en as, moi je suis prêt à faire un pari, là, mais tu sais, moi j'aimerais tellement rentrer dans ton appartement. Mais là, c'est sûr que si je dis ça, ils vont faire le ménage avant. Mais tu sais, lui qui a de la bouffe de chat, là, c'est vraiment vrai, là. Il s'achète une canne à 85 cents, genre de bouffe de chat. Il est pas capable de s'acheter la canne de fruits à 90 cents. Le 5 cents, il l'a pas. Y a-tu le cow? Y a-tu de la bière? Y a-tu de la boisson? Y a-tu des étiquettes? Ah, là, tu rentres dans les préjugés, t'as pas le droit! Je pose la question, j'ai le droit, c'est mon argent, arrête ça, là. Ça, les gauchistes, là, vont capoter ces petites cotes-là. Ah, y a encore les préjugés des BS. Pfff. J'ai juste posé la question. Peux-tu voir ce qu'il y a dedans? Il y en avait des boubous macoutes, ils les ont enlevés, on n'a pas le droit, ils veulent pas qu'on aille chez eux. Moi, si j'étais un BS, là, viens chez nous n'importe quand. Pas gêné. Regarde, j'ai une bad luck, mais check mon affaire. On continue notre opération PIM ton BS. On a Catherine. Une liste d'épicerie. Avec oui. Les prix. Ça te tente-tu? Envoyez donc. On a fait, tu sais, tout ça est disponible en ligne sur IGA.net si vous voulez aller vérifier, là. Hey, vous savez des trucs, go, on les partage un matin, là. 670-9330. C'est quoi votre truc de bouffe pas cher? En avez-vous? On va faire la liste, là. Vous êtes dans la merde financièrement à la fin du mois. C'est tough pour tout le monde, là. Donc, au lieu de demander d'aller chercher l'argent dans la poche des autres, on fait aller nos méninges. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Juste vous dire, à titre comparatif, la nourriture pour chien en conserve, c'est 1,09$. La nourriture, nos compliments, tu sais, je suis allée vraiment marque maison, pour chat, c'est 55 sous, la petite cacane, okay? OK? Ça, c'est la petite cacane. Tu peux avoir autre chose, là, mais là, moi, j'ai pris la cacane. Un sachet de nouilles instantanées, nos compliments, tu sais, les nouilles, là, genre Sidekick de Lipton, là, mais là, on a pris la marque nos compliments, 39 sous. Donc, les nouilles sont moins chères que la bouffe de chat. Ça veut dire que si tu te nourris de bouffe de chat, demande-toi pas où est la nouille. Mr. Noodle, genre nouille ramen. Okay? Oui. 49 sous. Tout mon 3 ans au cégep là-dessus. Ah non, je sais. Ah non, mais moi, tantôt, moi, te compter mon cégep tantôt après. Là, je suis pas gêné pour tout. Des tasses de nouilles instantanées, nos compliments. Donc, cup of soup, 66 sous. Sauce tomate en conserve, 74 sous. T'es capable de faire un bon bout avec ça. Soupe et crème en conserve, nos compliments, encore une fois, 75 cents. Des légumes en conserve, 79 cents. Les pois chiches. Les auditeurs qui appellent depuis tantôt, c'est légumes, là. Il y a des gens qui checkent ils ont ça aucun rapport, la bouffe de chat, butch, là, sont rendus ridicules. Les légumes, ça a l'air que dans les circulaires, à toi et semaine, si tu checkes ça comme faux, les légumes sont pas chers. Ouais, tu peux très spécial. Bien te nourrir là-dedans. On n'est même pas allé en spécial. Non. Andréane nous a aidé là-dessus beaucoup, beaucoup, là. On n'est pas allé ces spéciaux. On est allé les prix courants. Fait que si tu regardes un peu les publicsacs, c'est sûr que tu vas faire des économies. Du thon en conserve. 1,09$. C'est le même prix que la bouffe à chien en conserve, en passant. Paris pâté, ça c'était bon. Paris pâté avec de la moutarde, tranche de pain blanc. Super bon. Et que c'était bon. 1,49$ la cacane. Bon, alors il n'y a aucune raison de vous nourrir de bouffe de chat. C'est encore un argument spectaculaire pour forcer les gouvernements à augmenter les chèques de BS. Ces gens-là n'ont qu'une stratégie, c'est tout le temps aller chercher de l'argent dans la poche des autres. Moi, s'il avait fait une conférence pour dire, je sais pas moi, on a vu du monde, il y aurait dû faire une conférence comme on fait un matin. Mettons que c'est vrai qu'il y en a qui se nourrissent de bouffe de chat, là, il aurait dû faire une conférence en disant, voici les moyens, on n'ira pas demander un plus gros chèque aux autres, là. Les autres, ils n'ont déjà assez de leurs problèmes, puis bon, on va essayer d'éduquer ces gens-là à se nourrir convenablement pour pas cher. Pis on vient de le faire, là. On peut même pimper notre Kraft Dinner. Okay, oui. Et là, ce matin, on va également vous présenter ça au 93. Ça va être disponible sur le site Internet et la page de Facebook de Bouchard en parle. C'est déjà en ligne sur les deux. Donc, fm93.com ou Facebook Bouchard en parle. On a demandé à des grands chefs de Québec de pimper votre Kraft Dinner. Ça coûte combien, là, le Kraft Dinner? Il est rendu à combien? Même prix que la bouffe de chat, ça. J'allais, Kraft Dinner en boîte, 99 sous. Voyons, 99 cents, là. Ouais. Voyons, capable d'acheter ça. On a eu l'idée du pimp mon Kraft Dinner parce que Marie-Chantal Lepage, elle a une recette de Kraft Dinner pimpé dans son livre de recettes. Oui. Il y a moyen de faire quelque chose de super trippant avec du Kraft Dinner. La preuve, Marie-Chantal Lepage le fait puis elle le met même dans son livre de recettes. Alors, mon Kraft Dinner amélioré à la chair de merguez et au lardon. Alors, ça prend deux boîtes de Kraft Dinner, ça prend le lait, bon, toute la patente. T'ajoutes à ça des lardons, des champignons, gousses d'ail, poivrons, persil, coriandre. Rien de cher là-dedans, là. Ben non, ce que tu viens de nommer, là, des légumes, là, il y a vraiment rien de cher là-dedans. Absolument, très, très, très abondant. Donc, la recette en détail sur le site Internet et sur Facebook. J'adore ça. On a aussi demandé à Christian Lemelin le toast SSS pur sang. Et lui, tu vois, on parle de moins de 2$ par personne au total pour un repas avec de la viande. Son Kraft Dinner au pulled pork barbecue. Ah ouais? Hein? Écoute, il l'a dit, là, lui, il a tout calculé. J'ai faim. Je te dis, je les regarde, je veux toutes les essayer. Ça doit être bon, ça. Il l'a calculé, tu sais. C'est moins de 2$ par personne. OK. OK? Alors, tu vas aller acheter un morceau d'épaule de porc pique-nique avec os et quen. C'est 2$ chez IGA. Ensuite, tu vas mettre là-dedans ketchup, cassonade, sauce soya, tabasco, vinaigre. Tout ça, ça coûte pas cher. Non. Tu vas mélanger toute ta patente, tu vas saler généreusement ta pièce de viande, tu vas mettre le mélange, tu vas couvrir puis tu vas faire cuire au four à 200 pendant 8 heures. Tu refroidis dans le jus de cuisson, tu vas dégraisser, tu vas l'effilocher, puis tu vas mettre ça après ça sur ton Kraft Dinner. Puis il dit, vous pouvez aussi ajouter de petits bouquets de brocoli pour un excès de folie. Puis, dans ton macaroni, tu vas mettre un peu de ton jus de cuisson avec ton pulled pork. Ça va être fantastique. Et aussi, François Blais, du Bistro B sur la rue Cartier, Mac and Cheese Pimpé. Voilà comment il l'a appelé. Pour 6 personnes. Alors, bouillon de volaille, du lait, un sachet de champignons secs. Ça, ça coûte pas cher. Là. Ça coûte rien. Ça coûte rien, le sachet de champignons secs. Là. Tu vas mettre un peu de Grana Padano, qui est un fromage, un type de parmesan râpé. Tu vas mettre aussi des petites penées. Lui, tu sais, il a pas pris la boîte de Kraft Dinner. Là. Il est allé pour autre chose, lui. On s'en fait un, là. On s'en fait un. Notre propre Kraft Dinner. Oignon vert, sel et poivre, une touche de piment d'Espelette. Il dit, le pimpage là-dedans, c'est le fromage Grana Padano. Moi, j'ai tombé de la misère. Grana Padano? Merci, Padano, oui. J'ai toujours tendance à dire Panado, je sais pas pourquoi. Qui est super bon substitut au parmesan, puis avec les champignons séchés, c'est wonderful. Excellent. Alors, vous avez tout, là. Vous avez des prix pas chers. Là, vous avez le dollar à mort. Hey, je suis gentil ce matin. Les BS, je veux des courriels, là. Écrivez-moi, me dire merci Sylvain. Moi, je t'ai rendu à la bouffe de chat. Depuis que j'écoute ton show, je mange du Kraft Dinner Pimpé. Je vais au dollar à mort. Puis tu sais, puis j'ai pris tous les rabais à Catherine tantôt. Regarde, vous l'avez, là. Je sais que c'est pas facile, là. Non. Mais, Jonathan, à qui on a parlé tantôt, l'auteur du livre, là, pourquoi il a fait ça, lui? Il était pas sur le BS, il était aux études. Tout le monde est capable de se souvenir si vous avez été pauvre. Aujourd'hui, les étudiants, ça travaille tout. Ils ont des chars, des cellulaires, puis ils font la révolution pour payer moins cher. Mais dans notre temps, on n'avait pas de sel, pas de charme. On était pauvres. On était vraiment pauvres. Moi, je l'ai été pendant 3 ans. Je travaillais tous les étés. Mais l'hiver, il y a personne qui travaillait. C'était pas en mode dans mon temps. C'était études à temps plein. Donc, on était très pauvres. Mais j'ai mangé du Sidekick, moi, ça n'a aucun bon sens. Eh, Lipton Sidekick, je les fais vivre, moi. Carbonara au bacon et Alfredo, c'est les deux meilleurs. Je les ai toutes essayés. Il y a à peu près 15 sortes, là, je les connais toutes. De loin, les deux meilleurs. Carbonara au bacon, là, c'est le top, là. Et celui d'Alfredo. Colin que j'ai mangé ça. Demandais à mes colocs de l'époque, ils devaient être écœurés. Je me faisais rien que ça. Et des Kraft Dinner. Moi, c'était le pain de viande. Pain de viande? Tu faisais un pain de viande avec la recette de soupe à l'oignon Lipton. OK. Très, très, très bon. Encore aujourd'hui, oui. J'aime ça. Mais oui, ça, c'est pas cher, ça. Ah non, c'est pas cher. Je m'en souviens. Je l'ai tellement fait que je connais la recette par cœur. Ah non, ça coûte pas cher. T'en as pour longtemps. Des gens veulent nous parler au téléphone. 670-9330. Pime ton BS. Avez-vous des trucs, des solutions autres que faire payer plus de taxes et d'impôts pour leur grossir leur chèque? Est-ce qu'on peut les aider? Denis, bon matin. Oui, bonjour. Je vous écoute, Denis. Bon, écoutez, à Loretteville, sur la rue Racine, il y a un comptoir de surplus de production de la compagnie Weston. Obtenir des pains de toutes sortes, pains au raisin, il y a aussi des pains hot dog, des pains... T'es achètes, là, c'est pas comme une banque alimentaire, t'es achètes, mais prix vraiment réduit parce que c'est des surplus. Oui. On parle d'un dollar environ le pain, là, c'est incroyable, ou même jusqu'à 75 sous pour les pains hot dog. Non, ça veut dire que lui qui mange de la bouffe de chat, Denis, là, c'est parce que soit que c'est pas vrai, mais j'ai jamais dit ça, moi, j'ose pas. Il aime peut-être ça, marquez bien, là. Je sais pas, là. C'est pas qu'un péripaté, là. Salut, Denis. Merci pour le truc. Donc, le surplus de l'entrepôt Weston. Pain hot dog à 75 cents. On vient de pimper le frigo des BS. Excellent. T'as du pain aussi au Dollarama, là? Il y a des boîtes de fruits. Hein. Il m'a nommé ça. Je savais pas ça pantoute tantôt, là. Y a-tu nommé crevettes? Oui. Huîtres? Goberges? T'as des cannes à 1 piastre chez Dollarama. André, bon matin. Oui, bon matin. Je vous écoute. Savez-vous, ils ont tout le moyen d'avoir des télévisions, des belles télés, si, ça. Mais il y en a-tu qui ont des croque-pottes pour être capables de se faire des plats mijotés? Ouais. Comme, regardez, là, le jambonneau est à 1 piastre chez Super C cette semaine. T'envoies ça dans le croque-pot? Les épaules de porc sont à peu près... Ils sont donnés de ce temps-ci. Ben le oui. Port du Québec, ils font des grosses publicités. C'est facile à faire dans des croque-pottes. Le problème, c'est l'éducation. L'éducation et le réflexe. Ces gens-là, des mouvements de défense des BS, quand ils en ont pogné un qui mangeait de la bouffe de chat, ils auraient dû l'asseoir et l'éduquer, faire ce que je fais à matin. Monsieur, mais là, je suis à la retraite et je serais prête à donner de mon temps pour leur donner des trucs. Moi, ils vous veulent pas, André, c'est pas ça j'étais qu'ils veulent. Obligée d'être créative. Ben, c'est ça. Pour que ça me coûte pas cher. Puis après, j'avais le moyen, mais j'avais pris l'habitude d'être créative, d'utiliser mon croque-pot, de... Comprenez-vous, là? Absolument. Merci, André, merci beaucoup de la belle. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est donnez-moi un local, puis... Je vais en faire de la publicité, puis on va être plusieurs femmes qui vont les aider. Hey, restez en ligne, je prends vos coordonnées. André, je déteste pas ça. Mathieu, prends les coordonnées d'André. Merci d'avoir appelé. Parce que cette dame-là, qui, j'adore ça, elle a dit, moi, les aider, moi. l'ai fait toute ma vie, nourrir en bas d'une pièce, là. Je suis capable. Les organismes de défense des BS, André, ils vous veulent pas. Ils m'appelleront pas pour avoir vos coordonnées. On fait le test, quoi? OK? Sais-tu pourquoi? Écoute, ben, Catherine, j'y connais, là. Quand ils ont vu le petit couple qui mange de la bouffe de chat, ça existe, mettons, il y en a plus qu'un. Ça a l'air, il y en a plein, là. Ils sont rendus à bouffe de chat, ils ont dit ça en conférence de presse la semaine passée, sérieusement. Le réflexe, ça a été quoi? Ça a pas été de dire, hey, là, on s'assit, pis on éduque nos BS, on pimpe le frigo, là. Le réflexe, c'est de dire, oh, ils mangent de la bouffe de chat. Vite, une conférence de presse pour demander un gros chèque. On sert de ça pour un gros chèque. Plus d'argent, donnez-nous de l'argent, allez chercher n'importe. Ils ont juste une toune. C'est un one-hit wonder. Ils ont une toune. Le disque saute depuis 30 ans. Ta-ta-ta-ta. Grossir le maudit chèque. C'est pas de même qu'on va les aider, nos BS. C'est en les éduquant. André est prêt à faire du bénévolat pour vous. Qui va m'appeler? Un matin, moi, t'as une plainte. Un matin, t'as une plainte ou deux. Oh, les préjugés contre les BS. Pognez-là le téléphone. Ben, quelle bonne idée. On va les éduquer. On va les aider. D'ailleurs, l'éducation, les remettre sur le marché de l'emploi. Et la solution pour l'IBS, c'est pas de grossir le chèque. Tu peux-tu dire quelque chose? Oui. André, là, sa proposition, là, il y a plein de jeunes familles qui vont se garrocher là-dessus. Ouais. Qui veulent, ils manquent de créativité, ils manquent d'idées, ils embarqueraient là-dedans, ben, reste. Ah, pas juste pour l'IBS, t'as raison, pour le budget, il est très serré pour tout le monde. Oui, c'est tough. Puis pour tout le monde, oui. C'est tough. Alors moi, je vous souhaite que l'économie aille mieux, que vous puissiez travailler plus, que vous ayez des plus gros salaires, puis en attendant, on se donne des trucs. Mais la solution est pas dans les poches de votre voisin. C'est pas là. La solution, elle est jamais là. Sylvie, bon matin. Hey, bon matin. Bon matin. Alors, j'écoute. Avez-vous des petits trucs pour nous? On pime les BS. Ben, écoute, c'est un petit truc là qui date de longtemps. Là, ma mère nous faisait ça quand on était tout petits. Une boîte, on fait revenir un oignon avec du bœuf haché, deux tasses de riz, puis une boîte de soupe à l'alphabet Campbell. Oui. On mélange tout ça ensemble. Oui. Ah! C'est très bien. Délicieux. Oui. Hey, ça coûte combien, vous pensez, là? Ah, rien, là. Vous avez parlé de riz, soupe à l'oignon, c'est toutes des affaires qui se donnent quasiment, là. C'est pas, je peux pas vous dire à peu près, là, mais c'est pas cher puis ça dépanne. Merci, Sylvie. Mais au revoir. En plus, le riz, là, tu peux acheter ça en vrac, des fois. Tu peux acheter ça en gros, c'est bon. Ça se perd pas. Tu ne peux pas le perdre. Non. Impossible de perdre. Stocke ça chez vous, puis avec le reste aussi, puis c'est des cannes, puis en passant, ce que j'ai aimé, là, le gars, 3 ans, qui s'est nourri chez le Dollarama, il n'y a pas de perte, hein. C'est des cannes. C'est du canage. Voilà. Stéphanie, bon matin. Bon matin. Il y a un super truc pour les gens qui sont sur le BS. Ils n'auront même pas besoin de sortir de chez eux. Ah oui, donc? Canal Vie s'arrache le derrière. Ils ont une super émission qui s'appelle « Des recettes à moins de 5 $ ». Ah ouais, OK, ça passe. Ça fait quelques années que ça roule, puis l'animatrice, elle a toujours des trucs pour économiser sur la nourriture, puis acheter des trucs soit à rabais, soit... Mais c'est le thème de l'émission, faut cuisiner pour moins de 5 $. Ouais, mais en théorie, par exemple, les assistés sociaux n'ont pas Canal Vie parce que c'est un canal spécialisé, faut que tu payes pas. C'est plus cher. Ah, là. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont. Admettons qu'ils l'ont. Merci, Stéphanie. Ben, c'est vrai que ça vient en bundle aussi. Hein. T'es obligé de l'avoir des fois. Admettons, parce que ton point est bon. Roland, bon matin. Bonjour, Monsieur Bouchard. Tabarouette, que je suis content de vous voir faire notre job qu'aucun journaliste a fait. Non, exact. Ils prennent du bord des BS, puis il faut augmenter les chèques. C'est toute la même chanson. Bon, mais moi, je détonne. J'ai deux choses à dire. Oui. De un, quand tu te couches à 4 heures de l'après-midi, puis tu te lèves à 4 heures de la nuit, c'est dur d'aller à l'épicerie. Il y a mieux aller au dépanneur pour acheter une boîte de canne pour les chats. Je peux te dire une canne de chat. Après ça, qu'ils prennent tout le circulaire, y compris celle-là de Walmart, qui s'en allent à Maxi, puis toutes les spéciaux de toutes les autres circulaires, ils vont toutes passer ça à Maxi. Fait que même du shampoing, même n'importe quoi, s'ils l'ont sur Maxi, que ce soit à Walmart, n'importe où, ils vont vous le passer. Fait qu'ils viennent pas nous faire agraire, là, qu'ils ont pas de, ils ont pas d'argent pour s'acheter à manger. C'est juste qu'ils sont trop vaches pour se lever, puis pour s'en occuper, puis pour se faire à manger. C'est aussi simple que ça. Ou mal éduqué. Merci, Rolando. Encore mal éduqué. Moi, là, sérieux, ça fait pitié. Si j'étais travailleur social, puis je rentre dans un dépanneur, puis je vois un BS avec sa bouffe de chat, là, puis il me dit qu'il n'y a pas de chat, puis c'est pour lui, là. Mon réflexe, c'est pas d'aller faire une conférence de presse puis de demander un plus gros chèque, ça réglera rien. Vous allez juste appauvrir des cols rouges qui se lèvent le matin au profit d'autres. Mon réflexe aurait été de dire, d'abord, qu'est-ce que tu fais dans un dépanneur? Excusez-moi, je vois des BS dans un dépanneur régulièrement, qu'est-ce que tu fais là? Un dépanneur, ça coûte plus cher en passant. Tout coûte courant, plus là? Cher au dépanneur. Tout. Mais on comprend pourquoi, c'est plus petit, il nous dépanne, en dehors des heures de travail. Mais moi, je me fais un principe, là. J'essaie de ne jamais rien acheter au dépanneur. même n'importe quoi, sauf qu'à chemin pris. Oh, papier de toilette, un déodorant, une pâte à dents, une patente. Tu sais, des fois, plus t'es mal pris. Plus de lait pris, pour demain là. Matin. Plus ouais. de lait. Mais on le paye-tu? Mais t'arrives à la caisse, tu fais comme, hein, mais je suis mal pris, là. L'épicerie est fermée, pharmacie, bon, besoin de ça, go. Fait que l'éducation, faut les aider un peu. Les moyens sont là, les soupes populaires. Les... On vous en a donné plein de façon humoristique un peu, mais quand même, je suis sûr que les gens qui vont aller voir nos recettes sur le web, là, c'est pas tout des BS en passant. Ça, le pire, c'est des travailleurs. Puis ils vont dire, regarde, on va faire attention, puis on va aller checker ça un peu. Puis Geneviève, le mot de la fin. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Yes, je vous écoute. En passant de la bouffe à chat, là, c'est très, très, très protéiné. j'ai pas eu le choix de me mettre sur l'aide sociale. Je suis tombée toute seule avec mes enfants. Quand ma dernière est partie à l'école, je suis retournée à l'école chercher des études. Présentement, je suis sur l'aide sociale et mes enfants mangent très bien. J'ai eu le temps pour, d'aller à l'épicerie, j'ai eu le temps d'aller à l'école, j'ai eu le temps d'aller à l'épicerie, puis j'ai fait manger le soir, puis ils mangent pas de la bouffe à chat pantoute, là. Ils mangent très bien, justement, je vais chez Maxi, ces places-là, tu vas chercher les rabais, puis tu peux faire très, de la très bonne bouffe pour moins cher. Et que j'aime ça. Pourquoi vous êtes pas dans les conférences de presse jamais, là? Vous êtes sur le BS, mais vous essayez de vous en sortir. Moi, là, ça me dérange pas de vous payer un chèque pendant ce bout-là. Les enfants, tout ça, je sais des fois que c'est pas facile, ça me dérange pas. Mais vous mangez pas de bouffe à chat, là. Avec votre non. chèque, vous êtes capable de faire une bonne bouffe en étant juste, en faisant preuve un peu d'imagination, puis en forçant un peu. C'est ça que je comprends. Faut se forcer un peu, mais ça marche. Oui, il faut se forcer. Moi, je suis debout à 6h à tous les matins, je vais porter mes enfants à l'école, après, je me cherche de la job. Toute la journée, je me cherche de la job parce que j'ai fini mon cours il y a 2 semaines, fait que j'attends que les jobs rentrent. J'ai étudié pendant 2 ans avec 3 enfants, je suis monoparentale des 3. Puis j'arrive pareil à faire manger mes enfants. Hey, j'avoue, ça, là. Geneviève, c'est quoi la job que vous cherchez, là? Adjointe administrative. Oh, moi, si je suis un boss à matin, là, vous vous exprimez très bien, débrouillard. Est-ce que vous acceptez de me laisser vos coordonnées d'un coup que... On fera un petit... Bon, ben restez en ligne, Geneviève. Adjointe administrative dans n'importe quel domaine? Québec, Lévis, Rive-Sud? Québec, Sainte-Foy. Vous êtes prête à commencer quand? Tout de suite. OK. Restez en ligne. Merci. Check bien, on y trouve-tu de quoi? Là, tous ceux, là. Hey, adjointe administrative, là. À des enfants. Elle est allée, elle s'occupe de ses enfants. Elle se cherche une job. Elle a son diplôme, là, pour ça. Là, elle dit qu'elle vient de finir ses études. Ça fait 2 semaines qu'elle cherche. Moi, je l'embauche à matin, moi. Avec un langage comme ça. Ouais. Pas chiard, elle se plaint pas, elle se débrouille. Elle, je la veux dans mon équipe. Mm. Studio A commercial FM93.com. On y trouve-tu une job? Je disais ça en fin de semaine. Je sais, justement, le sec du monde. Puis, moi, des fois, ça donne. Si on parle des, on parle pas. Si ça donne, on en parle une fois ou 2 mois, là. Pas tant que ça, mais je sais que ça fait réagir beaucoup des fois. Puis, quand on parle des BS, les gens me demandaient s'il y avait des plaintes. T'sais, non, en général, on n'est plus, là, des poursuites, on n'a pas, on est bien, on fait nos affaires. Oh, il y a des clientèles, des fois les BS, là, t'sais, c'est pas eux autres qui se plaignent, c'est les organismes de défense. Mais moi, je m'excuse tout le temps dans ce temps-là. Ils disent, ah ouais, oui, chaque fois, je m'excuse. Si je vous ai blessé, je m'excuse, je fais plus que ça. Je répare, je les compense. Je lui dis, appelez-moi, moi, vous trouvez une job. Puis en général, ça appelle pas, puis la plainte, elle se termine là. Il y avait beaucoup d'énergie quand c'était le temps de me dénoncer, me traiter de tout et non, puis là, je m'excuse, je leur offre une job, et puis ils me rappellent plus, j'ai plus de contact. Ça se termine. Souvent. Mais pas tout le temps. Pour Geneviève, moi, je suis prêt à lui donner un coup de main. C'est sérieux, mon offre. Hein? Mm-hmm. S'il y a des BS un matin qui se sentent insultés par le segment qu'on vient de faire, appelez-moi. Je vais plus que m'excuser. Moi, vous trouvez une job. Fait qu'oubliez pas de laisser vos coordonnées au bas de la plainte. Ça se peut que je vous appelle. 836. Bouchard en parle. De retour dans quelques secondes au FM 93. En octobre, je vous donne le droit de partir sans payer. Chez Fournier, la Sonic.